Bonjour, le nouvel an est une opportunité pour faire un bilan et se remotiver sur notre chemin, se remotiver à se remettre en route. Je vous propose alors cette petite méditation labyrinthique avec un labyrinthe à trois circonvolutions. Je me place à l'entrée du labyrinthe, je respire profondément. En mettant mon attention dans l'air qui rentre et qui sort de mon corps. Je me détends, je lâche prise. J'entre dans le labyrinthe pour le premier voyage, la circonvolution la plus à l'extérieur. Je marche lentement, en conscience. Je place mon attention dans mes pieds, dans la mécanique de la marche. Et je revisualise toute cette année qui vient de s'écouler. Les joies, les peines, les projets qui se construisent, les succès, les échecs, les rattrapages des échecs, les moments inspirants, les moments d'harmonie, harmonie interne ou harmonie externe avec mon entourage. Le virage approche, je respire profondément en plaçant mon attention dans cette terre qui rentre et qui sort de mon corps. J'entame le deuxième voyage, la circonvolution intermédiaire. J'essaie d'avoir une vision globale de cette année achevée. Une impression générale. Une couleur. Une émotion. Quelque chose qui synthétise en cherchant à intégrer tout ce que j'ai eu à l'esprit au premier voyage. Il ne s'agit pas de noircir ou d'embellir, mais d'embrasser en un seul regard tous les éléments du panorama de l'année qui s'achève. J'accueille cette vision globale, cette impression générale, cette intégration sensorielle de l'année achevée. Je l'accepte. Le prochain virage arrive. Je respire en conscience. Je m'engage sur le troisième voyage. La circonvolution la plus proche du centre. Je porte mon attention à l'intérieur de moi. Comment je réagis à l'évocation de la vision du deuxième voyage? J'accueille cette émotion, cette impression. Elle se manifeste peut-être en quelque part dans le corps. Je profite de la marche pour en prendre soin, adoucir l'intensité, l'écouter, qu'elle soit excitation, joie, peine ou tristesse. J'essaie juste de prendre de la hauteur et de l'accueillir. Le centre approche. Je respire profondément. Je marche en conscience. Et j'entre dans mon centre. Je suis dans mon jardin secret. Où nul ne peut aller. Nul ne peut entendre. Nul ne peut voir. Il n'y a que moi. Le secret est disponible. Alors, je mets en contact mon fort intérieur, mon projet d'être humain, mon moi idéal, avec cette année achevée, intégrée au deuxième voyage et rectifiée au troisième voyage. Je prends un temps pour observer la réaction. Est-ce que j'ai avancé sur le chemin? Est-ce que le chantier de ma vie s'est enrichi de nouveaux édifices? D'un point de vue spirituel, bien sûr. Ai-je acquis de nouvelles vérités, de nouvelles sagesses, de nouvelles vertus? Je me prépare à sortir du centre et reprendre la route. Je respire profondément et je m'engage sur le troisième voyage. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir comme édifice spirituel pour l'année qui commence? Quelle sagesse, quelle vertu, quelle capacité spirituelle j'aimerais acquérir pour continuer le chantier, le chemin. Le virage approche. Je respire en conscience. Et je continue avec le deuxième voyage. Cette année qui commence, je voudrais qu'elle soit comment? J'imagine pour elle une couleur, un paysage peut-être, une émotion. J'essaie de ressentir dans mon corps cette vision globale, cette projection intégrée de cette nouvelle année. Et j'en ressens du bien-être, de l'harmonie. Le virage approche. Je respire profondément. Et le chemin continue avec le premier voyage qui va m'emmener à la sortie du labyrinthe et le retour au monde. J'imagine cette année en plus fin détail, en événement particulier. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Quels amis je voudrais revoir? À quelle activité je voudrais consacrer plus de temps? Quelles émotions j'aimerais ressentir? Je visualise cela. Et ça me rend heureux, heureuse, confiant ou confiante, optimiste, La sortie approche. Je respire profondément. Je me tiens un moment au seuil du labyrinthe. J'ai de la gratitude pour ce que je viens de vivre. Je regarde le monde et l'année qui vient avec confiance et détermination. Ça va être une bonne année. Je sors du labyrinthe et je rentre dans cette nouvelle année. Meilleurs vœux pour cette année. Et je vous donne rendez-vous sur le site www.leselixirsdulabyrinthe.fr pour d'autres méditations labyrinthiques. À bientôt.